Aujourd'hui, dans le Val-de-Marne, une banlieue comme toutes les autres, où vivent ce qu'ils appellent les minorités, qui se voient infliger les nombreuses contraintes du système, ce qui pousse ces générations à parfois enfreindre la loi pour subvenir à des besoins vitaux que n'importe quel homme ne pourrait négliger. Sur le fil, jamais à l'abri d'une mort sordide, sûr de nos capacités à trouver l'or dans un bolide chargé, génération en marche, quatrier comme en Palestine, nos checkpoints sont les péages, gros sous dans les parages, international mariage, Colombia, rock, ma grosse équipe, gros partage, influence Scarface et son roi Montana, les étoiles montantes de l'illicite un jour passeront par là, l'oseille, le matos et les pétasses, Faratin en Espagne, l'euro, les pesetas, le repose fera pour accumuler des barres et des barres, je sais combien mon cœur est devenu moi, l'espoir se répète pour toutes les générations, jeunesse en perdition, à son jour l'insertion, quand j'ai les condamnations, normal, ça fait partie du parcours, en espérant qu'une balle ne viendra pas fumer en retour. Alors comme ça, tout le monde fait vendre à part, ici pour t'en sortir et toi un bon apport, tout le monde se fait enculer, mais on n'est pas là pour, y'en a qu'on calculé, mais d'autres sont à la bourre, cette société j'en entends plein dire qu'il a beau, mais peu élabore, rare est la qualité et dur est l'import, le futur fait peur, une fortune fait pour, mettre la femme et bien, et se barrer, avant de devenir taré, on n'était pas préparé, au garde dehors toute une jeunesse à réparer, tu t'en rends compte, des fois ça réapparaît, c'est trop foulec, de Marieux à Paris, on fait nos affaires, on fait ce qu'il y a à faire, crois-moi, ils vont pas nous la faire, on fait trop d'efforts, car tu t'en sors de ce qui est fort, perds pas temps, ils vont pas nous la faire. C'est navrant de jamais voir nos frères mis en avant, sauf en fait divers quand le système t'enterre. On fait nos affaires, perds pas temps, ils vont pas nous la faire. C'est navrant de jamais voir nos frères mis en avant, sauf quand la substance transite du tiers-monde au terre-terre. Quand nos petits dans la tête à la fuite de nos photocopies avant qu'on éclate des pâtes ou qu'on charbonne en frit. Val-de-Marne bis, une fois de plus, l'histoire se répète. La BS régénère ses troupes pour les mêmes pépettes. Inconscient de l'image que les anciens laissent en héritage. Chaque génération a ses modèles, ses couilles et ses gros braquages. Les âmes brigaires s'organisent, repèrent leurs victimes. Les lassins, les cassés deviennent des dream teams. 9-4, c'est ruelle, où siègent toutes nos équipes qui luttent pour la survie et non pas pour une éthique. Ceux que la PJ inquiète, c'est espiche calibré derrière une postiche dans une banquette à la mentale de bonhomme qui tiennent la route de la conversation. Toujours à l'affût du pif, génération sous pression, un cabal jusqu'à la prescription. Si nécessaire, si loin du vrai combat, mais pourtant si fier. Il reste peu d'assagis, et la plupart des frères se disent messagers. Les trahisons tuent comme la mort en sachet, mais sachez, assumez sans vous cacher, consommez sans vous tâcher, tâchez de ne pas vous y attacher. Ce monde en papier mâché, au destin gâché, une fois recraché, ouais, faut s'accrocher, raccrocher, mettre des gauches, droites, crochets. C'est pour les trop longs carafe, pas les salopes qui raffent, y'a tellement de shit qui érafe, et de vos frères qui ne font qu'hieront. Écoute le son et démontre, carrément est un démon. Mes cousins toi t'es où, faut pas avoir la théo. Fais un peu par ici, tu vas en avoir pour tes roues. Moi je prends pas le mec pour tirer, je t'annonce direct le tarot. Fais nos affaires, perds pas temps, ils vont pas nous la faire. C'est navrant de jamais voir nos frères mis en avant, sauf en fait divers quand le système t'enterre. Fais nos affaires, perds pas temps, ils vont pas nous la faire. C'est navrant de jamais voir nos frères mis en avant, sauf quand la substance transite du tiers-monde au terre-terre. Fais nos affaires, perds pas temps, ils vont pas nous la faire. C'est navrant de jamais voir nos frères mis en avant, sauf en fait divers quand le système t'enterre. Fais nos affaires, perds pas temps, ils vont pas nous la faire. C'est navrant de jamais voir nos frères mis en avant, sauf quand la substance transite du tiers-monde au terre-terre.